Je me souviens de ce désert, sous le soleil d'un ciel glacé. Je cherchais ton visage clair et le silence de ta chair, et l'âme même au fond de l'air, tout comme le poisson, la mer, parmi les rives du passé.